Exercice 7, page 48. A. Je vais répéter. Je veux répéter. B. Je vais réserver. Je veux réserver. C. Je vais l'essayer. Je veux l'essayer. D. Je vais écouter. Je veux écouter. E. Je vais étudier. Je veux étudier. F. Je vais exposer. Je veux exposer.